Je me baladais ben tranquillement, aimablement, gentiment, sur la rue Saint-Jean. Quand, soudainement, j'entends quelque chose d'étonnant, de puissant, qui m'attire comme le torrent. Un petit bruit comme un coup de fusil. Les gens qui fuient, je suis pris, mépris, ébloui. Et je me conduis jusqu'au coin de la rue, l'aiguillon déligné. Je ne sais quelle séquelle m'attire comme une coquerelle. Je m'approche de plus belle du lieu de querelle. Bien en selle avec ma belle. Et là j'aperçois quoi? Des vieux qui se piquent, deux femmes qui nient, un enfant qui fume, des narcotiques, un chien épileptique, un robinet alcoolique, des cloutiers véroniques sur une chaise électrique. D'aiguillons de lignée, d'aiguillons de lignée, d'aiguillons de lignée, d'aiguillons de lignée. Au coin des lignées d'aiguillons, y'a aussi une maison de prostitution où on pogne des morpions, puis on se pense champion à checker les totons comme une gang de cochons. Même le fils de député, fils de pute, amputé à un rein, vient voir les putains le samedi matin en mocassin avec son chien. Il aime les cheveux châtains de Marie Nodin. C'est un pauvre crétin ne sachant rien. Mais il est bien dans son vin. Bouteille de vin, yeux malins. Bouche de requin, viande à chien, face de lapin. J'ai plus de rime en hein. Mais je chante d'aiguillons de lignée. D'aiguillons de lignée. D'aiguillons de lignée. D'aiguillons de lignée. Je redeviens country.